Moi j'ai les écouteurs. J'ai les écouteurs, non, tu comprends pas, ça fait 30 ans que j'ai les écouteurs. Ça me dérange pas, moi. J'en ai vu du monde poser dans mon magasin, je me suis dit, ouais, magasin, mon magasin! Il est beau, mon magasin, et je l'ai acheté, moi, là, en 1972. En 72, on pouvait vivre heureux. Pour ça, j'ai décidé, moi, là, de prendre la cuillère par la soupape puis d'aiguiser des couteaux. Et je sentais que j'avais une mission à accomplir, moi, là, c'était d'affûter. Puis dites-vous une chose, c'est pas parce que j'affûte des couteaux, hein, que je donne toutes mes énergies là-dessus, hein, que je focus, moi, là, je focus sur les... Je veux que ça soit coupant, je veux que ça soit écrit précis, je veux qu'une plume qui tombe sur la lame de mon couteau se divise en deux. Divisant en deux. Un cheveu qui tombe sur la lame de mon couteau doit se diviser en deux. Pas en trois, en deux. Si en trois, là, il est mal affûté. Puis c'est pas parce que t'as fait un couteau que tu le remets à quelqu'un de plus futé. Ça veut absolument rien dire. Il y a tout le temps un imbécile au bout du bois, au bout du manche. Tu sais pas ce qu'ils vont te faire, là. Tout ce qu'on te demande, tu vois un client. J'arrive de l'arrière-boutique parce que moi, j'ai gué ça en arrière. Ça peut donner des idées à du monde qui sont pas trop intelligents. Bon, moi, j'ai pas fait des études supérieures. J'étais inférieur à la moyenne. Fallait que je trouve mon chemin dans la société. Je voulais contribuer. Moi, je voulais pas être écrasé devant ma télévision. Regarder les émissions qui m'abrutissent. Quoique j'avais une autre réalité qui s'ouvrait à moi. C'était pas payant. C'était être auditeur. D'écouter la radio. Constamment à la pas. Oh non, je vends toutes mes télévisions, tous mes écrans, tout ce qui était visuel. Moi, à l'origine, quand j'étais petit, là, je voulais pas. Mon père, je le voyais. Quand on le voyait, c'est parce qu'il se préparait à partir. Puis quand tu partais, ben, il avait pas peur de nous dire, c'est pour vous autres que je fais ça. Pas pour moi. Moi, je resterais bien chez nous à écouter la radio. Hein, c'est pour ça que je veux te donner quelque chose de solide, mon Big Mac, parce que je m'appelle... Comment? Jean-Marc. Mais les méchants, ceux qui m'ont amené à aiguiser des couteaux, m'appelaient d'une manière blessante. Gros Marc. J'ai dit un jour, tous ceux qui m'ont appelé Gros Marc vont passer sur mon couteau. Mais ne pas passer sur mon couteau. Moi, je ne voulais pas être un criminel. Moi, je ne suis pas un criminel. Je ne tue personne. Je ne me mets pas de prison. Pas de dossier judiciaire. J'ai pas de dossier, moi. Toutes mes chaises n'ont pas de dossier parce que je me suis amené à la rigidité même. Rigidité. En m'appuyant sur rien, je ne compte que sur moi. Pas fou, ça, là. Non, mais j'ai l'air d'un imbécile de même, là. Mais si vous zoomez, si vous me regardez tendrement. Ça, c'est mon chat, mais mal à la gorge. Parce qu'elle m'a vous expliqué pourquoi j'ai une voix aussi particulière. En 1977, commençais à avoir mon magasin en 72. Je sais pas si vous suivez, pas compliqué, là, hein. Je racontais ça à des enfants là, en prématernelle parce qu'ils faisaient des activités parascolaires. Puis ils voulaient rencontrer des gens qui font pas des métiers classiques. Un affûteur, c'est intéressant, là. Puis là, les enfants s'amusaient avec des couteaux en plastique. C'est comme ça que j'ai commencé, moi, là. Oh, là, regardez ça, on m'amusait. Je prenais pas ça comme l'instrument en tant que tel, moi, là. Ah, non. Je plantais ça dans le sable. Ça représentait un drapeau. Je mettais un mouchoir. Je disais pé. Mon père, il a mangé de la soupe au pois. Lui, il savait ce que ça voulait dire. Pfff. Et ça ventait, ça ventait. Tous mes drapeaux devenaient de blanc à brun en moins de 30 secondes. Mon père, quand je le voyais, comme je te disais tantôt, je te tutoie. Moi, je tutoie tout le monde. J'ai parlé auprès des personnes âgées. Il y avait 125, 150 ans, ce monde-là. Je les tutoyais. Pas de problème avec ça. Moi, il n'y a pas de. Encore là, là, la hiérarchie, là, ça sert juste à nous couper du monde. Fait que tu dis-tu. C'est pas un manque de. Non, c'est pas un manque de respect. C'est une rencontre directe entre deux individus qui n'auront pas la vie pour se connaître. Donc, on y va. Comment ça va, toi? Bon, les puristes, les gens. Il y en a tout le temps, là, tu sais, qui vont dire: oh, c'est pas poli, c'est pas poli. Ben non, c'est pas poli de manger du riz sur un tapis gris, encore moins sur un couteau affûté que moi, j'ai affûté. Je pense que moi, en aiguisant des crayons, ça m'a rendu plus intelligent. Aiguisant des crayons, aiguiser des couteaux, ça m'a rendu plus intelligent. Au lieu d'aiguiser des crayons, hein, puis d'être romancier, là, non, j'ai pas eu une perte de. Non, ça a glissé, oui, mais je suis trompé. Moi, quand je me trompe, je le dis. Madame Tremblay, là, je peux dire madame aussi, là, mais je tutoie Madame Tremblay, moi, j'ai pas peur. Je dis: hey, toi, Madame Tremblay, là, ton couteau, ben beau me l'amener, là, mais hey, ça a 150 ans, ça appartenait à ton beau-frère. Mon frère qui était des écoles chrétiennes, puis on sait ce qu'il faisait avec ça, des couteaux aux autres, les frères des écoles chrétiennes, là. Ils coupaient rapidement le disco avec ça, là, hein? Ça tranchait, puis pas à peu près, là. T'avais pas le droit de dire: oh, ben, je m'excuse, j'aimerais en discuter avec vous. Pas de discuter, avec vous, pas de discussion. On parle pas, on agit. En même temps, si notre société serait comme ça, ça roulerait comme sur une lame. Là, il y a plusieurs sortes de lames. Je ne vais pas vous endormir avec ça. Il est déjà assez tard. Mais chaque lame a sa mission, comme chaque personne dans la société l'a également. Il y a le petit couteau à pétac. Les petits couteaux, là. Petit couteau de rien avec la petite lame, là. Pas pour faire des attentats, ça, là. Pour couper une patate. Encore certains vont me dire: on a assassiné du monde avec des couteaux à patates. Ben oui, mais là, on a bien assassiné aussi la planète avec des bombes, les camogènes, les malogènes. Et pas sans gêne, là, tu sais, des bombes sans gêne qui pètent partout. Pouf, pouf, pouf, pas parce que t'as mangé comme tantôt de la soupe au pois, là. Parce qu'il y a des malades qui se sont penchés sur des êtres plus intelligents qu'eux. Créer des bons. Puis les bombes, on sait à quoi ça sert, les bombes? Mais écoutez, non, je croyais que c'était pas à moi de parler. Pas toi parler non plus. Les bombes, ça sert à quoi? Ça sert à péter, oui, péter. Mais péter la gueule à qui? Péter la vie à qui? On sait pas. Ça tombe partout. C'est comme des mines antipersonnelles. Quand tu mets le pied dessus, c'était pas pour toi. C'était pour n'importe qui. Puis toi, ben, c'était ton tour, là. Tu t'appelais n'importe qui à ce moment-là, puis pouf! Fini. On peut dire en affaire. La vie tient à si peu de choses. Aujourd'hui, le lundi 18 novembre 2019. Hey, monte le volume, là. Puis hume la différence. Ça sent, hein? C'est parti, mon kiki. Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bain-fumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Rénald Gagné! Ça va te replacer l'esprit dans le sens du bon Dieu. Bon Dieu! Bon Dieu! Pardon? Oui. Oui, je sais, il y a un auditeur, puis il s'accroche, là. Il s'accroche, il va pas. Non, lâche-moi pas. Lâche-moi. Reste avec moi. Reste. Non. Hey, il m'a appelé l'ambulance. Va-t'en pas. Il sent faible. C'est juste ma voix qui a changé, madame. Oui. Vous faites de la Vous faites de tachycardie. Ça, c'est souvent de la tachycardie. Parce que c'est comme le diabète. Les gens qui sont diabétiques, on ne sait pas quand ça va se déclencher. Quoi? On a un aperçu. Quoi que ça peut arriver comme ça. Là, tu chantes. Puis après ça, hein? Ton taux de sucre descend d'une manière indescriptible. Même le physicien le plus chevronné, Gaétan Wolfsburg, lui, il pouvait même pas savoir. Ben, il était diabétique, lui, là. Il y avait les 6 types de diabète, là. Bon, je sais, il y a de la critique. Il y en a juste 2, selon certains. Pas des critiques que je parle, des sortes de diabète. Il y en a plus que ça. Les autres, on les a pas encore découverts. Mais lui, il sentait tellement... C'était une flamme intérieure. C'était une flamme. Mon personnage, c'est une femme ou un homme? J'avais dit tout à l'heure, c'est une femme. Raymond! Toi qui écoutes mes émissions! Sauve-moi du désastre! Le désastre est à côté de moi! En fait, c'est le miroir quand je me regarde. Quel désastre! Mon Dieu Seigneur! Ils n'ont pas réussi ça, ce visage-là. Comment ça, le bon Dieu? Ils ne savaient pas comment faire le croquis de mon visage! Je me regarde aujourd'hui, là, hé, monsieur Saint-Simon, hé, voilà beau! Je me vois pas tes visions, moi, là! Hé, la TV, en plus, c'est rendu, c'est plus du 4K, il paraît, là! Moi, ma petite télé carrée, de quoi j'ai l'air? D'un Anglais! Puis moi, avoir l'air d'un Anglais, là, c'est wow, je mérite mieux que ça! Je mérite, je sais pas! Je mérite d'avoir l'intelligence de Gérald Godin. Le charme de Pauline Julien. Les rythmes de Gilles Vigneault. Et le pied dansant de Gilbert Bécaud. C'est ça qui me manque, moi, là. J'ai rien de tout ça. Puis, c'est bien beau faire du magasinage sur Internet. C'est beau le magasinage, moi, sur Internet, parce que ça me rend beaucoup plus fonctionnel. Sinon, tu es obligé de te rendre dans un magasin réel, là, de rentrer dans le magasin, de subir les vendeurs, les vendeuses. Puis là, ils arrivent sur toi comme des hyènes. Ils te voient rentrer, il y a juste un client qui est à l'autre bout dans le soutien-gorge, puis il a l'air bizarre, là. Parce qu'il fait croire à la dame que c'est pas pour lui, c'est pour sa femme. Mais il veut toutes les essayer. Pas les femmes, mais les soutiens-gorges. Bon, ça, c'était moi il y a 2 ans. Et puis, depuis ce temps-là, je fais ça sur Internet. Je choisis mes soutiens-gorges. C'est le samedi, simplement, que ça me prend, là, de vouloir avoir une belle poitrine. Non, mais j'aime ça, moi, une belle poitrine, qu'est-ce que tu veux? Puis là, attention, tombez pas là dans la facilité. Belle poitrine ne veut pas dire grosse poitrine, bien au contraire. Une belle poitrine, c'est des seins. Et là, quand je parle de ça, on dirait que je perds toutes les... C'est des seins qui se sentent heureux de vivre. De tous les formats, de toutes les formes, peu importe. J'ai aucune discrimination au niveau de la poitrine. Bien au contraire. Assumer sa vie, c'est assumer sa poitrine. Homme ou femme. Puis là, ben, y a des gens comme moi, tu sais, à la fin de semaine, on a plein d'idées, là. Ah, on travaille. C'est pour ça que Félix, il disait, faites travailler le monde, sinon ils vont avoir des idées étranges. Il dit ça pas de même. Non, il disait ça. Il y avait, ouais, les mots pour le dire, comme disait Marie Cardinal. As-tu connu Marie Cardinal? Une Française qui habitait au Québec, qui est tombée sous le charme d'un Québécois. Il y en a beaucoup de femmes là, qui arrivent d'ailleurs, d'Haïti, de Paris, de Bruxelles, de Villemort, et qui tombent de haut en se rendant compte que on l'a, nous autres, l'affaire. On l'a. Je veux pas non plus là, me lancer des fleurs. Ben, pas moi personnellement, mais mon pays à moi. Là. C'est ma ressemblance. C'est le Québécois. Il l'a. Puis c'est pas tout le temps. C'est plus le Québécois avec la ceinture fléchée, puis Val-de-Riz, là, puis qui chante « Chevalier de la table ronde, allons voir si le vin est bon. » Allez, tu vois. Allons voir. Oui. Allons. Hey, veux-tu faire les oui, s'il vous plaît? Es-tu capable? Attends un peu. Oui. Ah, il est capable, OK? Chevalier de la table ronde, allons voir. C'est pas allons voir. Je tiens à dire que c'est pas allons voir. Bon. C'est allons voir. C'est la même chose, mais c'est dit autrement, ça donne du charme. OK? Un, deux, trois. Chevalier de la table ronde, allons voir si le vin est bon. Puis en plus, quand tu ouais, tu ne vois pas, tu ouais. Hey, je vois arriver la chose devant moi. C'est qui? C'est pas la vedette montante de la chanson francophone. Je le ouais! Je la ouais! T'sais, ouais, voir. T'sais, on peut dire je la vois ou je la ouais. Mais on dirait qu'on voit, on ouait mieux quand on dit ça comme ça. Quand on se plie malheureusement à toute la grammaire et la structure francophone, on peut s'endormir. OK, on y va. Chevalier de la table. On va la faire. Non, faites-vous-en pas, on va la faire. On a 2 heures pour la faire. Vous n'êtes pas pressés, vous? Bon. Vos carottes sont cuites? Vos radis aussi? Vos fraises? Faites pas chauffer vos fraises. Si oui, rajoutez du sucre. Autant de fraises que de sucre. Une tasse de fraises, une tasse de sucre. Bon, encore là, les diabéteux. Si vous êtes diabéteux, c'est pas de ma faute, moi. Moi, j'en suis pas un diabéteux. Moi, je suis... Ouais, les gens qui me connaissent vont dire, t'es un répéteux. Ça m'arrive de répéter. Le monde n'est pas capable de comprendre la première fois. Là, tu te dis dans la même formulation. La troisième fois aussi, après ça, tu modifies. Tu trouves des synonymes, tu dis... Ça nous arrive à chacun de dire ben, on est devant un cancre, un imbécile, une connasse, un nouille, quelqu'un qui ne comprendra rien à rien. Fait qu'on va modifier. Puis là, quand à la fin de ton discours, t'es rendu à l'intérieur, tu dis voyons donc. Il a juste arrêté à trois mois de fonctionner. Là. Son cerveau s'est bloqué à 3 mois. Là, tu es obligé de baver. Tu dis, oui, c'est oui, c'est. Parce qu'il pas, il va regarder la salive qui descend. Ah oh, oui, je comprends. Ah oui, je comprends. Ah oui, je comprends. OK, signez ici. Ça va vous coûter 350$ par mois. Hein? Ah oui. Alors, on y va. 1, 2. Parce que si tu n'es pas aux aguets, tu vas te faire avoir. C'est comme ça qu'on t'aime. Chevalier de la table ronde, allons voir si le vin est bon. Allons voir. Oui. Allons voir. Oui. Non, c'est pas oui, c'est allons voir, oui, allons voir, non. Là, j'ai juste un magnéto, fait que ça peut juste faire. Oui. Mais je vais essayer de faire non, OK? En même temps. Ben, pas en même temps, mais en tout cas, c'est moi qui contrôle mon émission, je vais y arriver. Non. OK, on va l'avoir. OK? Non. OK, arrête de dire OK, puis on y va. Non. Parfait. Sois positif. Mets-toi sur ton 68, on va l'avoir. Chevalier. Après ça, on va tomber sur l'autre. Là. Chevalier de la... Ils comprennent plus rien, là. Ils sont là, ils adorent sur l'autre, c'est quoi, là? Parce que sur mon magnéto, il y a des audios. Il y a un audio, ça, c'est moi, celui qui dit des mots au magnéto puis qui bloque le mot. Alors, il y a oui, non, non, non. Alors, le oui est sur le 68. Le non est sur 69. Ça arrive de même, là. Ça veut... Si je... On va faire une expérience après, OK? On va chanter la chanson, on fait une expérience après. Puis là, vous vous dites, depuis le début, c'est pas une expérience. Non, non. Là, on s'amuse. Même s'il y a des gens qui pleurent, là. Oui, je sais, vous avez... Ben oui, vous êtes membre de CKRL. Vous pensiez pas que ça allait dégénérer de même, cette émission. Mais c'est de même depuis le début, madame. On peut pas faire autre chose. On est sclérosé. On peut pas... Chevalier de la table ronde, allons ouais, si le vin est bon. Allons ouais. Oui. Allons ouais. Non. Allons ouais, si le vin est bon. Allons ouais. Oui. Allons ouais. Allons ouais. Non. Ah. Allons ouais, si le vin est bon. J'en boirai 5 à 6 bouteilles. Une femme sur mes genoux. Oh yeah, oui, ah ouais. Laquelle? Ah, ben, peu importe. Peu importe, mais en tout cas. Pour la chanson, peu importe. Une femme. Oui. Une femme. Non. Une femme sur mes genoux. Une femme. Oui. Une femme. Non. Une femme sur mes genoux. On la termine comme ça, OK? Parce que ça peut durer 20 heures avec moi. Alors, on termine avec le début. Chevalier de la table ronde. Allons ouais, si le vin est bon. Allons ouais. Allons ouais. Allons ouais. Alors là, comme je vous disais tantôt, j'ai 69. C'est merveilleux. Merci, merci de m'applaudir. Vous êtes bien gentil. Merci. Vous êtes bien gentil, monsieur aussi. Là, je vous vois à quatre pattes là, en train de... Vous cherchez quoi? Vos lunettes? Vos verres de contact? Rentrez pas en contact avec moi, je les trouverai pas. Alors donc, si j'écoute la 59e, OK, l'audio 59, je sais même pas c'est quoi là, OK? Ça fait peut-être 2-3 ans de ça parce que c'est j'ai pas trié, j'ai pas fait de ménage là-dedans. On y va avec le 59e. Alors oui. Alors je peux le dire, OK, merci. OK. Oui. Ça, j'ai enregistré ça pour le 2 juin, la date de mon anniversaire. Je me souhaitais joyeux anniversaire. Ça m'arrive. Mon émission est rentrée canadienne de quelle année? Je ne sais pas. Là, le 46. Hein? Allons voir 46. Ouais. Ça, c'est quand je faisais le pleureur. Je me souviens très bien du moment. Là, ça fait à peu près un an. Je faisais le pleureur. Parce qu'en Égypte, je ne vais pas revenir là-dessus, je l'ai fait il y a un an. On engage encore quand il y a une dépouille, puis il y a des gens qui sont embauchés pour pleurer quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. C'est pas ça l'important. Exemple, c'est Théodore Gautier qui vient de mourir. Alors, il y a Dalida qui est invitée. Non, elle n'est pas égyptienne, elle est grecque. En tout cas, il y a Paulo de Chancellor's Energies. Oui, qui est engagé, c'est pas égyptien 3, peu importe, est engagé pour pleurer le bonhomme. Fait que là, est engagé pour ça. Alors, donc, on va prendre la 36, moi. Pour voir, mais on est à la radio, donc c'est pour entendre. Mais c'est très court, hein? On y va encore voir? Bon, c'est une tentative de pleurs. On braille beaucoup à mon émission parce qu'on sent que, tu sais, c'est comme... Rire aux larmes, ça arrive en plein bonheur de rire aux larmes, rire aux larmes, ça arrive en plein bonheur de rire aux larmes. Être heureux, c'est curieux, ça vous met de l'eau dans les yeux. Le bonheur fait rire aux larmes les enfants et les amoureux. Et la grande tristesse que l'on ne peut plus supporter, ça ne fait plus pleurer, non, ça fait rire aux larmes, rire aux larmes. Ça arrive en plein malheur de rire aux larmes, rire aux larmes, rire aux larmes. Ça arrive en plein bonheur de rire aux larmes, rire aux larmes, rire aux larmes. Ça arrive en plein bonheur de rire aux larmes, rire aux larmes, rire aux larmes. Ça arrive en plein bonheur de De rire! Moi, je vais pas m'étouffer. Je vais faire un rire qui vient de l'intérieur, comme le chante Francis Cabrel. Mais comme j'avais trop de salive, ça a sorti un peu comme... Alors, on va aller voir, juste, on fera pas tout mon magnéto, mais comme on était parti sur un chemin, le 18, c'est légal, 18 au Québec, on y va. Ouais, c'est court, mais... Maintenant, le 16. OK. Et puis, on y va peut-être avec... tout le monde est toujours préoccupé par le premier, hein, le premier rang. Quel son est sorti dans le son premier? Oh, le 2 a l'air plus intéressant. OK, attendez un peu, là. C'est plus long que je pensais, que je croyais. Bon, vous entendez le délire, là? OK, on y va. Oui, Raymond est en forme, Simon est en forme, Gaétan est en forme, mais la forme, quelle est la forme? La question, quelle est la forme? On est peut-être en forme de Bowie? Down. comme je vous l'avais dit, c'était David Bowley. Pour les intimes, David Bowley, si vous n'étiez pas en contact, j'allais dire intime, là, mais parce que dans l'intimité, ça recouvre beaucoup d'ingrédients. Et puis, certains ingrédients sont confondus. Hein? Le langage peut confondre. Hein? Il y a tellement de synonymes pour trouver. Il faut trouver à travers tout ça dans cette grande... Ouais, moi, j'allais dire, un peu comparer ça à un arbre. Un arbre. L'arbre est dans ses feuilles. Non, hey, j'ai une chanson. Je chante l'arbre est dans ses feuilles. Mais j'ai une chanson depuis quelques jours dans la tête. De Diane Tell. Et comme j'ai un boulot qui peut me laisser, à un moment donné, la place à chanter, à réfléchir sur plein de choses, parce que quand tu places du lait, quand tu places du pain, quand tu places des céréales, pas besoin là, t'sais, d'être trop présent. Tu as des mains, tu fais ça droit. Mais pendant ce temps-là, tu peux réfléchir à des affaires. Et j'essaie de me... Parce que je suis pas dans mon élément, là. En fait, c'est mon studio d'enregistrement. Ils n'ont pas au boulot, mon eau. J'ai plusieurs travails. Des travaux... Ouais, c'est comme Astérix. Les travaux d'Astérix, il y en a plusieurs, lui. Ben moi, j'en ai aussi énormément. Et c'est quelle la chanson de Diane Tell? Bon, là, plusieurs vont dire... Si j'étais un... Non, c'est pas celle-là. Je serais capitaine. Non, c'est... Oh, faudrait que je l'écoute. Là, c'est le moment plombant de l'émission. Attendez que je me rappelle. Dans cette chronique, attendez que je me rappelle, ça peut durer 20 minutes. Donc, 20 minutes de silence. Pendant ce temps-là, à go, parlez entre vous. Go! Non, c'est... De plus clair. Non, ça me revient, là. Quand ça me revient, ça ressemble à ça. C'est comme une vague que je vois arriver, là. Il s'en gire au bordure de la falaise, la proximité du vide. Je l'ai pris haut un peu. Paralyse les jambes tant qu'elles pèsent. Non, les jambes. Pendant qu'elle. La main qu'elle passe. Le plus clair. Oh, non, c'était tellement. Moi, quand je place mon lait, c'est beau là, ce que je chante. Ça part. Faudrait que je mette ton micro là-dessus. OK? Place ça comme ça, puis vas-y. Chante, mon petit garçon. Tu t'appelles? Renal. Qui? Renal. OK. Comment tu l'appelles? Renal. Oui. Mais peux-tu me le composer un peu comme si tu m'écrivais ton nom, ton prénom? Oui, Renal. Okay. Alors, mais c'est chanson de Diane Tell, OK? Et puis, ben c'est ce que je vais vous chanter. Ben, vas-y. Le plus clair. la falaise, la proximité du vide. Paralyse mes jambes tant qu'elle. Non, c'est pas tant qu'elle, il n'y a pas un qu'elle. D'un temps qu'elle pèse, mon éclair. Mais est-ce que vous m'embauchez pour chanter en première partie dans mon groupe préféré, Epsilon? T'es-tu malade? Si tu fais en première partie, tu dois attirer le monde. Le monde doit rester. Si tu chantes ça, ils vont partir, puis le groupe, malheureusement, légendaire. Et puis sinon, ils ne pourront pas faire le spectacle à cause d'un imbécile comme toi qui déclare un Québécois. N'est plus clair. Ça ne dit rien au monde, ça. Focus, champion. Focus. Ah ouais, mais je ne sais pas les paroles. J'ai du monde de Dieu, la valeur de la proximité divine. Paralyse avec les blessures. N'est plus clair. Ah! Ouais, ça ne fonctionne pas. Excuse-moi, mais peaufine ton travail, rappelle-nous. On est bien ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h30, 18h pour Corrad. Corrad, lui, il n'a pas de vie sociétale. Ah, lui, c'est son travail. Il recrute constamment. Il est toujours en train de recruter, surtout dans les bars. vacante rendit pénible le passage dans ces bois, dans ces sombres. Quand le bleu de la mer fut visible, le sentier devint presque sans encombre. Comme animé d'un second souffle, j'accourus vers cet éblouissant. Le genre de gars là, comme bien du monde, bien du monde, bien du monde à prendre son travail pour valoriser ce qu'il est, pour après ça, attraper sa proie. Un peu comme une grenouille avec sa grande langue, là. Tu sais, il y a comme quelque chose, là, au bout de la langue, là, qui est un velcro. Un velcro, ouais, c'est un velcro de grenouille. Connaissez-vous ça, des velcros de grenouille? Dans l'anatomie, vous êtes pas bon dans votre propre anatomie, ça va, mais quand on commence à procéder sur d'autres espèces, vous bloquez. Alors, la grenouille. Bibitte à quatre pattes qui fait... Bribbit. Monte le son. Vas-y, moi. Bribbit. Bribbit. Bribbit. Excuse-moi. Ribbit. Ribbit. Ça, c'est comme quelqu'un qui boit trop de bière et puis qui régurgite, mais avant de donner trop de liquidité à sa limitation, son limitation, il s'arrête. Tu t'arrêtes, là. Tu fais juste... Si tu vois plus là, ça fait... C'est pas écoutable. C'est pas écoutable. Après ça, c'est comme les gens qui se mettent à rire. Hein, c'est l'effet domino. Un rit, tout le monde rit, là. Là, tout le monde, normalement, ils doivent rire, là. Si vous riez pas, c'est que vous avez beaucoup de tracas. Si vous voulez consulter Rénal Gagné, je suis aussi à l'écoute. 5$ la minute. Et puis, si vous êtes bègue, ben c'est 2,50$. Parce que je comprends la vie du bègue. Le pauvre bègue, pas de sa faute, lui-là, là. Il appelle au téléphone. Il appelle, oui. Là, ça sonne, il répond, puis là, c'est là que ça bloque. Puis là, si tu dis c'est au à minute, tu comprendras pas, puis lui, ben, il va s'emballer. Puis quand il s'emballe, ben, il n'est pas capable, lui, de s'ouvrir. Normal, quand tu t'emballes, tu t'ouvres pas, là, hein, tu te fermes, tu te cloisonnes. Non, calmez-vous, monsieur, calmez-vous. Monsieur, ne dites rien. Voilà. Maintenant, procédez. Je vous appelle parce que ça partait bien, monsieur. Là, il y a quelque chose qui vous bloque et c'est au moment où vous rentrez dans votre blocage que votre bégaiement est trop intense. C'est trop intense, puis là, c'est plus le printemps, monsieur. On est rendu l'automne, bientôt, ça sent l'hiver, là. Quand l'hiver parle de la passée, quand on le passe à la fenêtre, avec des si et des peut-être, et des vaut mieux pas y penser. L'homme, ça, c'est la vie de mon père. L'homme est parti pour travailler, la femme est seule, ma mère a broyé seule, ça, l'écoutait ça, pleurer. L'homme est parti pour travailler, la femme est seule à s'ennuyer. Sais-tu dehors, sais-tu dedans, la femme attend, l'homme voyage. Il y a beau temps, il y a bel âge de la vie jusqu'à la mort. Spine out of place. I said, hey man, all my school is insane. Hey man, Oh yeah. C'est... Oh yeah. Aujourd'hui, le lundi, on parle ça. Là, ça, là, ça fait partie du rock and roll. Puis le groupe que je vais vous faire entendre, là, ça fait partie aussi du rock and roll. Alors, j'espère qu'en ce lundi, vous êtes prêts à vibrer. Il va se passer quelque chose. Comme à chaque lundi. Sur CKRL. De minuit jusqu'à 2h. Alors aujourd'hui, le lundi, 18 novembre, 2019, j'ai des frissons là. Oh, y'a tout le monde loin devant le vent de jour. Aujourd'hui, le lundi 18 novembre 2019, l'errance. Les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et aussi boulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un enchantement narratif, unissons-nous autour du groupe Epsilon. J'ai eu la chance d'y rencontrer. Pour moi, ça a été un boom en 2019 parce que je rentrais en communication avec leur album, ensuite avec le groupe. Ils m'ont dit OK pour une rencontre et ça donnait ça. Bonne émission. puis je sais qu'on arrivera tous ensemble à résister, à résister. Et puis je sais qu'on a des ambitions si grandes, un peu d'espoir caché sous la braise et les cendres. Et puis je sais qu'on arrivera tous ensemble à résister, à résister. Génial, bah c'est cool. Ouais. Bon, faut pas que tu commences parce qu'après tu. C'est du rock. Faut que tu les questionnes s'ils sont bretons. Hein. Ouais, on va creuser la fin. C'est du rock français avec des instruments traditionnels bretons. D'accord. Accordéon diatonique, bombarde. Voilà. Génial. Bon, si vous voulez venir à la rentrée voir le spectacle, vous m'appelez. Hein. Ah bah, avec plaisir. Ouais. Parce que nous, c'est le lieu, vous savez, où on fait tout en chanson, nous. Ouais. La nuit, c'est chanson, le club, c'est chanson, chanson le cabaret, française. C'est chanson. Chanson française. Chanson française. C'est ça. Oui, Rose. Peut-être tu t'occupes du développement. Ouais. La date qu'on a fait à Paris pour la release party, on l'a fait à la Boule Noire. Ouais, bah, c'est pas loin. Hein. Toute belle salle, toute belle salle. Bon, c'est belle salle. Et... Ah, nous, c'est la jauge qu'il nous faut par rapport au public qu'on a pour en remplir. Quoi. Mmh, bah oui. Mmh. Attends, j'ai pas mal. Ouais. Ouais, c'est déjà pas mal parce qu'il faut soulever des montagnes. Vaut mieux une petite salle bien pleine qu'une grande à moitié. Oui, oui, il y en a qui l'ont compris assez vite. Oui, oui, bah oui, vaut mieux faire boule noire, et puis Maroc, et puis machin, et puis truc. Monter direct sur la Cigale et faire 600 places. Ouais. J'espère qu'on se rencontrera on the road. Ah ben, carrément, ça sera avec grand plaisir. Merci de ta générosité. Merci beaucoup. Hein. Merci, c'est très amusant. Puis c'est moi qui vais payer. Ah oui, c'est vrai le café. Non, c'est moi qui vais payer. Bon, ben là, ça m'arrange. Ah, mais vraiment, merci. Et ben, vous allez bien vous amuser. Ouais. Ouais, donc tu nous enverras un podcast, un machin. Tu vas tout avoir. Tu vas avoir la version de la rencontre. Et tu m'envoies le leur aussi que je l'écoute. Hein. Ok, oui, effectivement. Ok, je vais faire attention. Oui. Merci, hein. Merci de ta générosité. Merci à toi, merci beaucoup. À la revoyure. À la revoyure. Si tu passes à Québec, tu me fais signe. C'est probable. Parfait. Et puis comme maintenant je monte un truc d'archives sur la chanson. Ah oui, c'est important. T'en parles à Robert Charlebois, s'il te plaît. Oui, mais j'ai. Swing the baguette dans le fond de la boîte à gants. Non, mais je connais la fille de Félix Leclerc, puis elle a peut-être des choses pour toi. Bah peut-être. Ouais. On va monter un musée. Oui, oui, il faut en monter aussi un musée au Canada. Au Québec. Au Québec. Oui, à Moncton. La francophonie, c'est le Québec. Le Canada, c'est anglais. C'est très politique, c'est très politique. Salut. Ciao. Je veux juste vous dire quelque chose. C'est que ce gars-là a lancé San Severino. OK? Ce gars-là a lancé San Severino, a lancé Les Têtes Raides, a lancé juste des gros noms. Jacques Higelin. Ah oui. Ouais, c'est pas n'importe qui. Et juste de le rencontrer, là, vous avez la carte. On a sa carte. Là, ça, c'est quelque chose. Voilà, votre place, je pourrais. Ah oui, c'est fabuleux. C'est parce que là, quand on dit Madame Arthur, bon, ça fait travelot, ça fait bon, une vieille chanson française. Ouais, il a une vision. Hey, mais attention, il veut faire un musée de la chanson française. Il ouvre une salle à Bordeaux. OK? Et je me suis fait transporter, ça vous dérange pas, non? Tu veux boire quelque chose? Madame est là. Ouais, je vais reprendre un jus d'orange, s'il vous plaît, pressé. Merci. Et on va reprendre. La même. Ouais. Non, je vais prendre une Heineken, comme ça sera deux Heineken. Deux Heineken et une orange passée. Et donc, c'est ça, il veut ouvrir à Bordeaux, là, ça va se faire là, à la rentrée, une salle à Bordeaux qui va inviter les chanteurs et les chanteuses de chez Madame Arthur là-bas. Ouais, donc, d'accord. Il va avoir comme un relais de Bordeaux à Paris, puis de Paris à Bordeaux. Ouais, d'accord. C'est pour ça que je te revenais. Mais pas ça, là, c'est quelque chose, là, ça, c'est de l'or, là, faites attention, là, parce que ça vaut quelque chose. Pour vous, là, c'est un excellent tremplin. Là, tu leur as donné, c'est ça qui est bien, tu lui as donné le disque, il va l'écouter. Oui, ce qu'on avait raconté. Vous allez avoir des échos. C'est vrai? Ah oui. Parce que. Après, vas-y. Tout dépendra s'il aime ou pas. Qu'il aime. Ben, écoute. C'est en français, donc il va aimer. Oui, mais de un, c'est en français. Ouais. Mais les textes, c'est qui écrit les textes? C'est Antonin. Okay. Et le chanteur qui n'est pas là. OK. Et écoute, les textes là, sont d'une limpidité et surtout, je disais à mon ami. On m'a ramené aussi. Hein. Ah, merci. J'ai la version, mais Wave. Bah oui, mais comme ça, ouais, merci. Merci. Puis en plus, j'adore la pochette. T'as l'objet, comme ça. Oui, exact. Oui. Et puis même si le disque se meurt, il faut continuer à en faire, hein, parce que c'est important. Bien sûr. Ah, oui. Et la pochette, ce qui me plaît, Astronaut, c'est que c'est. C'est un peu comme King Kong qui essaie de rattraper les avions. Et qui a pensé à cette image-là? Ben, c'est le chanteur. Ouais. C'est le chanteur qui fait tout ce qui est visuel et okay. Fait beaucoup de choses. OK. Et dans l'écriture, c'est ça, il y a une poésie exceptionnelle. Bon, je sais qu'on vous l'a déjà dit. Pas tant que ça. Non, mais ce que je vais vous dire, c'est... À la première écoute, si on veut aller rapidement, on sent reconnaître Noir Désir, mais ça s'arrête rapidement. Ça s'arrête rapidement. Puisque il y a, comme tu disais, de la musique folklorique, hein? Il y a des instruments folkloriques. Instruments folkloriques, ouais. Dans du rock, j'ai jamais entendu ça. Ah oui, oui. À part peut-être il y a quelques années, Soldat Louis, mais ouais, c'était ouais, bah, plus. Qui joue encore? Oui, qui joue encore. Ah, ouais, alors eux, pour le coup, ils sont un peu plus traditionnels encore que nous. Oui, exactement. Mais vous, c'est du rock. Nous, c'est, on s'en sert plus un peu comme, comme un clavier, tu vois, comme un, des nappes qui pourraient être faites avec du clavier ou avec des instruments ouais, plus modernes. On ne prend pas tous les codes de la musique traditionnelle. On ne prend pas tous les codes de la Bretagne. Ouais. Qu'est-ce qui vous a fait rejeter certains codes et accepter d'autres? Parce que le noyau dur, je pense, du groupe n'est pas forcément... Il y a une plus grosse base rock dans le groupe. Oui, ouais, oui voilà. Effectivement. Le noyau dur est plutôt rock français, la Noire Désir, on va dire. Ouais, et la base des compositions, ça part toujours de base batterie-guitare. Ouais. Ben, la base rock, c'est ça. Voilà. la base rock, c'est dans notre musique. Dans notre processus de création. Jamais ou très rarement. C'est juste guitare. Ok, c'est pas juste guitare, c'est tout le monde ensemble. Le processus de création, c'est toujours guitare, basse, batterie, souvent les idées de départ, c'est ça. Mais ça s'entend aussi. Hein. Et après, les tradeux viennent agrémenter, quoi. Et puis donner une couleur. Une facture, ouais. Parce que le folklore, moi un jour il y a un mec qui m'avait dit ça, non, mais le folklore c'est un truc qui est marqué dans notre dans plein de gens. Oui. Par exemple on a vu une fanfare quand on était petit ou un truc qui nous a marqué du folklore et souvent ça nous rappelle quelque chose, je sais pas, qui s'explique pas quoi, mais tiens, cet instrument là c'est marrant, je l'ai vu quand j'étais en vacances en Bretagne. Oui, en fait ça me rappelle des... C'est les racines qui reviennent. C'est des racines, oui, voilà, c'est ça. Et votre écriture, c'est comme je le disais à un moment donné à CJTV, parce que je travaille plus sur deux radios, je disais que vous étiez, je l'ai même placé sur Facebook, je mentionnais aux auditeurs, arrêtez de lire les journaux, parce qu'il y a de la musique qui raconte la société beaucoup plus, d'une manière beaucoup plus intéressante. Que le fait de voir des images et de lire un propos. Parce que vous parlez du Bataclan, ce qui est arrivé au Bataclan, c'est une chanson extraordinaire. Et l'intérêt, c'est que c'est pas toujours, c'est pas clair au début, hein, on sait pas de quoi vous parlez, mais le Bataclan est nommé à un moment donné. Ouais, donc, merci. Et donc, c'est une ouverture sur la société qui nous entoure. C'est comme une photo que vous prenez de la réalité et que vous transformez en musique. Et c'est ça l'intérêt. Et les autres albums, moi je vous ai connu à partir de celui-là, okay. Astronaut. Ouais. J'ai écouté les albums avant, le tout premier. Il m'en a manqué un parce que je croyais que vous en avez fait. C'est parce qu'il y en a un. Le premier, c'est vraiment. C'est vraiment le tout santé. Ah oui, ben vous chantez. Ah oui. Le premier, c'est vraiment. C'était vraiment les débuts. Une ébauche, c'était le tout début du groupe. Okay. Ça fait plus c'est plus maquette. Il n'est même pas vraiment considéré comme un premier album. Ah d'accord, c'était plutôt la carte de visite pour ensuite aller faire des concerts. Exactement. Et puis, nous, à l'époque, on n'était même pas dedans. C'était vraiment il y a 10 ans. Mais le groupe s'est constitué à quel moment? Le maillon dur est resté à quel moment? Parce que c'est sûr qu'au début, il y en a qui quittent parce qu'ils ont des boulots alimentaires. Ils trouvent que ça va pas assez vite, ils ne font pas d'argent. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment où il a fallu faire un choix sur le... Est-ce que ça devient notre profession? Okay. Ou est-ce qu'on continue comme ça en amateur? Qui change pas grand chose à part le succès. Mais c'est vrai, ça change pas grand chose. Mais disons que ça nous libère du temps et ça nous permet d'avancer plus vite. Et ceux qui n'ont pas voulu franchir le pas ont arrêté naturellement et on se voit encore, on se fait des bouffes. Ok, alors vous êtes restés amis, c'est Paul Dabisco, il est à l'intérieur du groupe parce que. Non. Mais toujours, on se voit. Est-ce qu'il regrette d'avoir quitté le groupe? Non. Non, je pense pas. Aide-moi si tu peux, atténue les blessures qu'on porte tous les deux, cachées sous nos armures. Cette étrange chaleur du soleil qui décline a fait valser nos cœurs vers le fond de l'abîme.

le temps ne nous est compté. Ce n'est rien. Un bonheur qui s'en va, un beau jour y revient. Les chagrins que l'on a dans le cœur, ce n'est rien. Un amour que l'on perd au printemps qui revient. Et s'envole dans les airs, tu sais, ce n'est rien. Ça va venir, il faut pas les décourager. Alors ce qui est bien dans ce groupe là, moi je dis ça parce que je suis arrivé il y a 3-4 ans maintenant. Mais c'était des copains, enfin des copains, je les suivais déjà depuis longtemps, on est du même. Du même patelin. Du même patelin. Ouais. Mais c'est pas un groupe qui recherche, mais toujours, hein, on recherche pas le végétariat ou le succès entre guillemets. On cherche simplement à déjà en vivre correctement. Vivre uniquement de votre musique, à développer mais sans passer des marches, toujours un développement progressif, tranquille quoi. Monter la hiérarchie lentement, mais sûrement, pour pas redescendre. Et comme Soldat Louis, on parlait de Soldat Louis, ils ont eu un succès, ça a plongé. Ils ont eu le gros succès sur leur premier album. Ouais, c'est ça. Et là, ça fait 30 ans qu'ils jouent sur leur premier album, quoi. Et ça fait partie du rappel, là, dans la chanson. Et la chanson, ouais. La chanson connue. Du rap des fans, c'est le rappel. Ben oui, c'est ça. Parce que les gens vont voir Soldat Louis pour entendre juste cette chanson-là. C'est con. Mais toutes leurs autres chansons sont très bien. Oui, c'est très bien, oui. Et pour revenir à votre disque, qu'est-ce qui vous a fait prendre le crayon pour en préparer un autre? Mais avant de parler du disque, on va parler du groupe. Parce que là, il y a des gens qui sont partis, il y en a d'autres qui se sont jumelés, juxtaposés. À quel moment le noyau dur est resté? À quel moment vous vous êtes dit, bon ben là, OK, on part? Le noyau dur, c'est vraiment le chanteur et l'accordoniste. Parce qu'eux, ils sont là depuis le début. Eux, c'est les leaders. Ils sont là depuis 7 ans. Depuis 10 ans. 10 ans. C'est vraiment les premiers, tout premiers. Après, moi, je suis arrivé il y a 7 ans. Ouais, je pense, c'est à peu près 7 ans. Et après, justement, c'est quand, à partir du moment où je suis arrivé, alors j'y suis pour rien. À partir du moment où je suis arrivé, c'est là où ça a commencé vraiment à se professionnaliser. Ok. Où, justement, l'accordéoniste et le chanteur, qui étaient donc vraiment le noyau dur du groupe, se sont professionnalisés aussi. Enfin, moi, je suis arrivé, j'étais déjà professionnel. Donc, ça a poussé aussi peut-être un peu le truc. Mais à partir de là, c'est là où vraiment où tout le groupe s'est dit il faut qu'on fasse un choix. On avait les moyens de le faire aussi, parce qu'on avait ce qu'il fallait en date. Et voilà. Et c'était il y a quoi? C'était il y a 5 ans, 6 ans. Ouais. Et toi, t'es arrivé il y a 3 ans? Moi, je suis arrivé il y a 3 ans et demi. Ok. Ouais, c'est ça. Mais qu'est-ce que fait que tu as rejoint le groupe? Parce que, en fait, au moment de la professionnalisation du groupe, le guitariste historique, on va dire, est parti. Il a été remplacé un an par quelqu'un et ça n'a pas fonctionné. Quoi. On est toujours en bon terme, mais ça n'a pas fonctionné. Et moi, je suis arrivé à ce moment-là. Parce que moi, je voulais pas passer le pas. Je faisais déjà beaucoup de musique, mais je voulais pas passer le pas de la profession. J'avais peur de devenir intermittent. Okay. Je pense que j'avais peur. Ouais. Et après, j'ai vraiment eu confiance au gars. Parce que bon, après, c'est un groupe, alors malgré. Un groupe qui tourne beaucoup. Mmh. À tourner. On tourne beaucoup. Et les gars, les leaders, m'ont dit que de toute façon, il n'y aurait pas de. n'aurait pas de problème pour avoir le statut d'intermittent et que j'avais entièrement confiance en eux. Donc, Alors, ton com un peu apaisé avec le stress du fait ouais. que... Parce que moi, j'étais dans un travail tout à fait normal. Okay. Bien payé, en CDI, ça va? Bien payé. Ok, c'est ça. Et là, tu t'en vas devant quelque chose d'assez nébuleux, on ne sait pas si... Voilà. C'est un peu l'inconnu. Ouais, l'inconnu, effectivement. Et finalement, c'était simplement le... Alors, ce qui s'est passé en plus, c'est que... Mais t'en mourrais d'envie. J'en mourrais d'envie. Ok. Et comme on dit souvent, il n'y a pas de hasard, il y a toujours des... Oui, effectivement. Il se trouve que j'étais en période d'essai. Parce que je venais de changer de boulot. Parce que je pense que je changeais de boulot pour essayer de... trouver quelque chose que j'arrivais pas à trouver. Finalement, j'étais parti chez le concurrent, c'est tout. Et quand la cordeliste m'a téléphoné, il m'a dit t'es en période d'essai. C'est obligatoirement un signe que c'est bon. Il faut que tu viennes avec nous. Parce que là, tu viens de changer de boulot. Mais finalement, t'es chez le concurrent, donc ça va faire la même chose qu'avant. Ouais, je comprends, ouais. Voilà. À quel moment vous avez trouvé le son? Oh, ça s'est fait petit à petit, ça. Ok. Ouais. Mais à partir de quel album, là Le son, il a toujours un petit peu évolué. Je sais pas si t'as remarqué, mais au fil des albums, ça oui. s'est... Bah oui, ça a évolué, ouais. Je dirais que le son, assez vite, les gars, parce que nous on n'y était pas, ils ont assez vite trouvé la direction qu'ils voulaient prendre, c'est-à-dire vraiment ce côté... Un équilibre de... Rock, mélangé à la musique folklorique. Ouais. Ouais, parce que le... Mais aux instruments folkloriques, parce que c'est pas de la musique folklorique, c'est ça, des instruments. C'est vraiment la sonorité. L'accordéoniste, par exemple, c'est un vrai gars de... qui vient de la musique traditionnelle. Ok. Ah, c'est vraiment quelqu'un qui a envie de défendre comment dire ça. Son style, sa musique. Ouais, puis de faire perdurer les valeurs musicales traditionnelles et de faire les racines. Les racines. Les racines, oui. Et mais par contre, il est vraiment ouvert à tout, au rock et à ce qui se fait aujourd'hui. C'est ça qui est sympa, c'est cette alchimie-là. Et c'est pas un musicien. Ok. C'est un musicien. Qui veut simplement faire passer l'émotion avant la technique, quoi. Donc, mais sur scène, c'est important, surtout. Hein? Bien sûr. Oh, oui. Parce que les gens, tu es là pour faire devant les gens, donc tu veux aussi jouer à une prestation éclatée, explosive. Si tu es là devant ton micro et que tu ne bouges pas, ben, ça va peut-être emmerder le public qui, eux, sont là pour avoir du plaisir. Et le sonneur, hein, qui sonne la bombarde, fait aussi de la clarinette. Et lui, pour le coup, un vrai Breton, qui lui aussi veut défendre Mais surtout que les Bretons sont très fiers. Bien sûr. Lui, il veut faire perdurer ça, mais d'une façon moderne. Oui. Pas arcaillé. Ouais, mais ça n'empêche pas de faire ces trucs quand même à côté de vraiment traditionnels. Il continue à faire du fest-noz et tout. Mais il est ouvert, quoi, ouvert d'esprit. Et puis, C'est pas compliqué, ça, quand des musiciens sont dans d'autres groupes, de se rassembler, puis de passer des dates. C'est pas compliqué parce que la priorité est toujours donnée à vous. Son rap-style. Ouais. Parce que c'est un groupe déjà de composite, on fait que des compos, des morceaux à nous. Mais Epsilon, c'est un truc qui est très clair dès le départ quand quelqu'un rentre dans le groupe, il sait à quoi s'attendre, il sait que c'est ça qui. Il y a comme une notice, là, un document. Là, c'est un peu ça. C'est très structuré. Ouais, ok, ouais. C'est un groupe très structuré parce qu'on est, vraiment. Vous prenez ça au sérieux. Indépendant et. Ouais, c'est ça. On fait tout seul. C'est ça, il faut croire en soi, il faut croire à ce que l'on fait. Mais comment est arrivé le groupe Epsilon? Pourquoi ce nom-là? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Si, moi je crois savoir. Ok. C'est... Ou appel. Ça date pour le premier concert. Ok. Où les gars n'avaient pas encore trouvé de nom. Ouais. Et, ça, c'est il y a 10 ans, là. C'était il y a 10 ans, ouais. Ok. Et je crois que c'est l'ancien guitariste qui est arrivé d'un cours de maths. Et Blanc, il a balancé ça. Il est arrivé avec ces dons-là, je pense qu'ils n'ont pas eu trop le choix. De dire oui. Ils n'avaient pas d'autre choix de nom. Et puis ils se sont trouvés ça bien. Le nom, sur le moment, est tombé comme ça. Et puis en fait, finalement, en Vendée, où le groupe est originaire, il y a eu une petite émulation autour du groupe. Il y a déjà eu une base de fans assez importante, entre guillemets. Donc du coup, après, le nom pouvait plus être... Pour le changer, ça devenait délicat. Donc c'est toujours resté. Mais il y a beaucoup de musique en Vendée, parce que... On en connaît. Dans le Grand Ouest, beaucoup. Oui. OK, mais c'est ça. C'est pourquoi c'est aussi fertile, la musique, en Vendée. Nous, on est en Vendée, mais on est à 35 minutes de Nantes. À Nantes, il y a beaucoup de choses qui se passent. Philippe Catherine vient de... Pas très loin de chez moi, d'ailleurs. OK. Bah, il est considéré de Nantes aujourd'hui, mais c'est quelqu'un. Non, non, non, mais véritablement, il ne dit pas de Nantes. Hein. Non, non, il est vraiment. Ouais, c'est ça, il le dit, il le dit. Il dit pas qu'il vient de Nantes, il dit qu'il est vendu. Il est vendu. Parce qu'en plus, la Vendée, on est très proche de Nantes. Et entre guillemets, on a tout approuvé. Oui, oui, oui, c'est par ça. Par rapport à Nantes. Oh, oui. Bah, c'est et comme nous. Hein. On a un caractère un peu. Breton. Dire, un peu breton. Ah, ouais, ouais, ouais, ouais. On est revanchard de rien, mais on a envie de faire voir aux Nantais que. On est quelqu'un, on est quand même quelque chose. On sait faire de la musique, on sait faire des concerts. On est petit, mais on est là. On est petit, mais on est là. Voilà. C'est beaucoup plus facile proche. Pour les Nantais de tourner, de faire de la musique. Bah oui, bah oui, bah oui. Parce qu'ils sont beaucoup plus épaulés. Par contre, nous, on a tout à faire tout seul. Mais c'est ça qui nous donne aussi le goût de foncer. Bah, nous, on est moitié en. Mais là, actuellement. Mais on est en. Oui, oui, oui. On est en mode. Se croisent toutes nos vies privées, au gré des arrêts sur images, des vidéos qu'on a laissées, le reflet d'un écran cassé, d'une génération connectée, dans la froideur de sa spirale, on est toujours un welcome sur la toile. Sur la toile. Welcome sur la toile. Errance Rénaldienne sur CKRL-MF, le 89.1 à Québec, avec Rénald Gagné. Que des impasses. jalons entre les mains. Du moins c'est ce que je pense. Même si l'iPhone n'est rien qu'un outil sans conscience, on voudrait me faire croire que je gère ma vie. Pourtant une ombre noire y contrôle mes envies. Puisqu'on attend de moi que je sois un soldat qui ne rejoint pas sous leur plafond de verre. À terre. La cimetière se plaint de grands soirs faméliques qui vident les humains de leur sève utopique. Même lors des républiques, les vessies, les lanternes n'entendent pas les suppliques de tous ces cœurs en berne. Êtes-vous actuellement à Paris? Défoncer, quoi. Oui. Avez-vous décidé de vivre ici à Paris ou... Ah non, toujours... Vous restez à... Mais là, la vous... moitié du groupe habite à Nantes aujourd'hui. OK. Et l'autre moitié habite en Vendée. Ouais. Voilà. Et là, vous êtes ici aujourd'hui de passage ou... On est venu pour te voir. Juste... Ah oui? Ben, tu vois, parce que... Mais c'est combien de temps? C'est combien d'heures? Deux heures. On a mis deux heures en train. Oh! Ah, mais c'est gentil, c'est sympathique. Ah ben non, il n'y a pas de... Ah, mais c'est super. Parce que c'est tu vois, alors, c'est notre métier. Qu'on est indépendant, on essaye de tout faire pour développer le groupe. Et, quand pour tu le faire connaître. Quand on s'est dit, bon sang, mais c'est... Et puis on a chacun nos tâches. Tu vois, il faut le faire, quoi. Oh. Après, on a un budget qui est alloué aussi à la promo. Donc, OK, ça fait partie du budget. Ouais, ça fait partie du budget. Mais... Et on a un attaché de presse qui travaille avec nous pour le nouvel album, pour J'étais très content de savoir qu'il y a une radio au Québec qui s'intéresse à nous. Il y en a deux. Parce que je travaille pour deux radios. Et en fait, alors pour t'expliquer aussi, parce que comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas de hasard. Oui. Il n'y a que des rendez-vous. Oui. Il y a ce week-end, l'accordéoniste a rencontré une Québécoise. Non, elle est française, je crois. Elle est française, mais elle vit au Québec depuis quelques années. Petite dizaine d'années, je crois. Okay. Et elle fait de la promotion d'artistes français au Québec. Il l'a rencontré ce week-end en Vendée. Ouais. Et elle vient demain soir dormir chez lui, etc. Enfin bref. Ça va aller plus loin que. Non, pas du tout. Non, mais elle vient discuter de. Oh oui, truc. Ouais, parce que ça l'intéresse. Mm-hmm. En fait, elle a fait. On va la voir demain. On saura jamais la suite, mais. Okay, non, mais c'est super marrant. Oui, mais le Québec est très intéressé par la chanson. Parce qu'il nous dit, mais bon sang, c'est pas possible. Il y a une radio du Québec qui nous contacte en même temps, tu vois. Et ce qui est marrant, c'est que nous aussi, les groupes français, on est très intéressés par le Québec. Ah ben oui, effectivement, parce qu'on est si peu nombreux, mais on aime en entendre la chanson française. Il y a plusieurs groupes qui se rattachent à l'anglais, comme tout le monde, hein, pour être international. Mais en même temps, ils se tirent dans le pied parce qu'il y a tellement de chanteurs et de groupes anglais que... On a trop envie de signer une tournée là-bas, au Québec. Ouais. Là-bas, c'est le festival d'été, malheureusement, c'est terminé. C'est en route, mais les chanteurs sont déjà bookés, sont déjà... On a fait des tournées aussi avec des chanteurs, avec une chanteuse québécoise aussi. Chantal Archambault. Oui, on a fait toute une tournée en Chine avec elle pour la francophonie. Et mais comment s'est accueilli le groupe en Chine? Ah, super. Bah, c'est, ouais, c'est... Le groupe, il a fait 4 tournées en Chine pour le moment. Ouais. Mais vous étiez là? Toi, tu étais là? J'ai fait la dernière. Et l'accueil est quand même assez... Les gens en Chine, c'est des ouf. Hein. Ah, oui. Ils sont excessifs dans leur... C'est des gens qui sont disciplinés. Mm-hmm. Mais à partir du moment où tu leur donnes l'autorisation... Leur gouvernement... Ouais, c'est cool. Par contre, si le chanteur leur dit... Allez, sauter, ouais, c'est ça. Oh oui, mais parce qu'ils sont tellement... quand même rabaissés, hein. C'est des gens qui travaillent tellement fort pour absolument rien parce que c'est la vie qui l'exige malheureusement. Exactement. Mais votre groupe, le son a été vraiment focalisé il y a 7 ans, c'est ça, après le 2e album. C'est à peu près dans ce son-là que vous vouliez travailler et arriver à... Même avec les changements de musiciens, il y a une ligne qui a été... établi et qui se fait naturellement. Ouais, c'est chacun vraiment diplomate. C'est-à-dire que pour cet album-là, par exemple, on a dû écrire au moins une quarantaine de morceaux, je pense. Hein, Mais que vous avez... Et après, qui passent au service qualité du groupe. Ouais, exactement. Il faut qu'ils plaisent vraiment à tout le monde. Pour qu'ils soient oblitérés. Ouais, pour qu'on continue à travailler dessus. Okay. Mais donc, il y a certains morceaux qu'on a achetés à la poubelle que certains trouvaient mortels. Mais il y en a certains que vous avez gardés aussi pour être présentés sur scène. Ouais. Parce que c'est avant tout un groupe de scène. Tu veux dire dans les morceaux qu'on a achetés? Oui. Ah non. Ok. Ah non, non. Non, non, mais sur les 50, c'est ce qui reste. Ah, c'est ce qui reste. Et que vous ne mettrez jamais sur scène, c'est terminé. Ouais. On jette. On jette et prochain album, on n'essaiera même pas de refouiller dedans parce qu'on aura l'impression de faire du réchauffé. Ouais. Non, il faut être dans l'actualité. Vous faites aussi de la musique, vous écrivez sur l'actualité, sur ce qui se passe souvent. Bah nous, on considère que c'est ça la musique actuelle. Aujourd'hui en France, c'est pas vraiment ça. Parce qu'aujourd'hui, l'actualité musicale, en tout cas ce qui marche en France, c'est pas vraiment ce qu'on fait. Hein. Nous, on n'est pas dans la hype, entre guillemets, tu vois, de ce qui sort aujourd'hui, Thérapie Taxi. Aujourd'hui en France, ce qui marche, c'est le hip-hop français, tu vois. Ouais. Mais il y a... Orelsan, des gens comme ça qui n'ont rien à voir avec nous. Donc nous, au final, on se retrouve jamais à la mode, mais... Le rock reste du rock. En même temps, ce qui est la mode se démode, et nous, du coup, on n'est jamais dans la mode. Donc, ouais, mais le rock se démodera jamais. Je pense qu'il y a toujours une base de... Il y a toujours des gens qui... Ben, James Brown reste James Brown. Il reste que le rock a toujours... Quand tu écoutes des anciens disques, des Rita Mitsouko, ça reste encore très, très... No Comprendo, c'est bon. C'est un album qui a 40 ans. Tu l'écoutes, un album qui a 40 ans, et ça sonne encore très bien. Mais quand on écoute aussi votre disque, il sonne super bien pour une autoproduction. Pour ce disque-là, on a essayé encore de grappiller une petite marche au niveau du son. Ah ben oui, mais ça s'entend. Après, on essaye de mettre les moyens quand même pour tout ce qui est production d'album. On essaye quand même de... Tu peux voir, franchement, une amélioration du groupe avec ce disque-là, c'est comme un tournant, ce disque-là. Ouais. Là, on s'était mis en tête un peu de trouver un réalisateur. C'était la première fois qu'on faisait ça, entre guillemets. Tu m'arrêtes si je me trompe. On voulait trouver un... Ouais, on en avait avant des réalisateurs, mais on les considérait pas comme des réalisateurs. Okay. Pas leur métier ou c'était... Si, mais nous, dans notre démarche, c'était pas encore... On n'avait pas encore... Là, on s'est entouré d'un mec qui s'appelle Damien Bolo, qui avait un peu le vent en poupe à Nantes parce qu'il a fait C2C. Okay. Il y a un groupe 4 DJ qui ont vraiment percé mondialement. Quoi. Okay. Alors, mais pour le coup, lui, c'est un mec qui est toujours à la page. Tu vois, qui est vraiment moderne. Il est à la fine pointe. Il est à la pointe. Donc tu sais qu'en prenant ce gars-là, tu vas avoir le son. Et en fait, il faisait C2C, Hocus Pocus. Hocus Pocus, très connu. C'est le mec qui a toujours fait Hocus Pocus et tout. Hocus Pocus, C2C, c'est à peu près la même chose, c'est les mêmes mecs. Et c'est un mec qui a fait beaucoup d'électro et tout, mais qui est issu du métal. Mais comment vous l'avez rencontré? Parce qu'il est nantais et puis. On l'a contacté. On a contacté plusieurs personnes pour tout expliquer. On a contacté Fred Duquesne, qui est le guitariste de Massisteria, de la production de l'album, qui a fait les Brigitte, On a contacté Charles de Scooter, qui est un mec, un Belge. Il a fait Superbus. Oui, Superbus, oui, quel voilà, groupe. Qui a fait des gros groupes comme ça. Oui. Et on a contacté Damien Bolot, qui est un Nantais, donc proche de chez nous, qui faisait beaucoup d'électro et tout. Et on s'est dit, lui, jamais il... il va dire oui. Jamais. Parce qu'il doit avoir un agenda. Demandes, oui, voilà. C'est ça, il doit avoir un agenda assez, assez complet. Et au final, ils ont tous dit oui. Mais comment ils ont Fred dit Duquen, oui on l'a eu au téléphone, Charles de Scooter, le Belge, on l'a eu au téléphone plusieurs fois aussi. Mais avez-vous... Et Damien Bolot, c'est pareil, il nous a dit, on lui a envoyé nos pré-prods. Ok, c'est ça, c'est sur cette base-là. Nous a envoyé, ouais, on lui a envoyé nos pré-prods, il nous a dit, je pense qu'on peut faire un truc intéressant. Vraiment cool. Tout en gardant, parce que nous, on lui avait quand même dit, nous, on veut faire un truc moderne. Un son moderne, oui. Mais quand même en gardant cette base d'identité qu'on avait. La racine. La racine. Folklorique, tu vois, entre guillemets. Mais l'album est sorti il n'y a pas longtemps, hein, au mois de ouais, y a mai. Trois mois. Il y a ouais, trois mois déjà. Mais ah, parce que moi, je l'ai eu au mois de mai. Ben, alors, c'était au mois d'avril. Ouais. Ça ouais, il est sorti fin le 8 mars. Le 8 mars. Ah, oh, ok. Le 8 mars. Ok. Avril, mai, juin. Il ouais, y a trois mois. Trois mois. Donc c'est assez frais. C'est, ouais, c'est notre dernier bébé, ça. Oui, oui, exactement. Que tu as dans les mains. Est-ce que, oui, et que je touche avec beaucoup de bonheur. ce disque-là, est-ce que vous sentez que c'est un tournant dans votre carrière ou c'est une continuité? Pour le moment, moi en tout cas, j'ai l'impression que c'est une continuité. Moi aussi. Ok. Alors une continuité. Une continuité, mais, un mais plus, avec pas un tournant, mais une marche, quoi. Oui, c'est ça, au niveau sonore, c'est hallucinant comment c'est bien mixé, comment c'est les musiciens sont... Avez-vous travaillé ça en concert avant de les placer? Non, jamais. On les a c'est jamais joués ensemble. On les a okay. jamais joués avant de Parce que c'est bizarre, hein? On sent que c'est des chansons qui ont vécu. Qui ont vécu, ah oui, mais pas du tout en fait avant. Qui ont été travaillés. Non, mais ça a été travaillé quand même en studio. Par contre, on a beaucoup énormément. Ouais, les pré-prod. Vous avez ouais, les pré-prod. Ouais. Oh, oui, c'est ça. C'est-à-dire que toutes les pré-productions, on les fait à la maison. Souvent chez lui d'ailleurs, chez Antonin. Ok. On a tous un home studio chez nous et on s'envoie on se partage les trucs. On, partage, quoi, on s'envoie les maquettes et tout. Ouais. On a beaucoup travaillé nos limite nos pré-productions, elles étaient finies quand on est arrivé en studio. Quoi. Je glisse lentement, je n'ai aucun espoir sous les affres du temps. Ici ma vie s'arrête dans un dernier tourment. Une dernière cigarette me pousse vers le néant. La lumière tamisée se pointe à l'horizon. Je vois ma vie défiler, je me fais plus d'illusions. Le chemin se dessine. Je sens venir le froid. Je vais franchir la cime pour une dernière fois. Une morsure d'acide, le venin se répand dans mon corps qui se vide de tout ressentiment. Sous les battements de cœur comme il peut, les regrets et la peur m'envahissent peu à peu. C'est mon dernier combat, je dois sauver mon âme comme un acte de foi pour éviter les flammes. Je sens mon corps si là, il faut que je m'en aille. Je laisse tomber mes bras dans une dernière salle. Sentiment, en moi je me froid de tes baisers. Et mon cœur qui s'accélère sous les reflets ambrés de ta peau satinée. Allez bien, on se taille, on va goûter l'ivresse jusqu'à la folie ou presque. De nos corps sous la mitraille, des autres que l'on délaisse. Et de la course du temps, du moins ce qu'il en reste. Je te raconterai comment on vivra en bohème. On tentera bien souvent de briser la rengaine. Je te raconterai le temps qu'on pourra se le dire. Dans la rose des vents, que le plus beau reste à venir. Échappée de tes lèvres dans la nuit qui s'achève. Tourne et tourne jusqu'à la transe dans la coque de mes rêves. Que la passion nous dévore jusqu'à ce que l'on en crève. Je te raconterai comment on vivra un bohème. On tentera bien souvent de briser la rengaine. Je te raconterai le temps que pour venir. Ça s'entend que tu travailles derrière ça et qu'il y a du professionnalisme. C'est un album très professionnel, contrairement aux autres, ben peut-être pas à l'avant-dernier, qui sont quand même très très bien. Mais le groupe aussi a fait. L'avant-dernier était pratique, tu vois. Ouais. L'avant-dernier était travaillé dans la même démarche que celui-là. Mais ça s'entend aussi, ça s'entend. Mais les trois albums d'avant, on les a fait au même endroit, par contre. Ok, ah oui, ouais. D'accord. C'est vraiment le même studio avec les mêmes quasiment les mêmes personnes. Non, il y a des musiciens qui ont changé, je suis bien. Il y a eu combien de temps qui s'est passé entre cet album-là et l'autre album? Trois ans. Mais on retrouve les mêmes préoccupations sur les deux disques. Ouais. La même approche. Ouais. Qu'est-ce qui vous fait prendre le crayon? Qu'est-ce qui vous fait réagir aujourd'hui pour en faire une chanson? Toi, tu co-écris? Tu co-écris? Oui, on a notre technique avec Nico. Okay. Qui apporte carrément un texte tout fait et l'autre corée. Vice versa, toi, tu peux arriver avec des écrits plus soutenus et lui va comme greffer. Ouais, pour ça dépend. Là, sur cet album-là, j'en ai apporté pas mal tout fait. Ok. Ou corrige des trucs qu'ils ne sont pas à chanter. Comme c'est lui qui chante, c'est Nico qui aura le dernier mot sur vraiment s'il y a un truc qui te gêne. Mais la voix est super intéressante. La voix est riche et flamboyante et rock'n'roll. Ouais, on a passé beaucoup de temps sur la voix. Mais c'est ça que je voulais vous dire au début. À quel moment le chanteur a trouvé sa voix, a trouvé son son, a trouvé la façon de chanter et d'aborder les mots? Parce que les mots sont comme... Pour tous les membres du groupe, on a le leitmotiv quand même, c'est la mélodie. parce que bah, tout ce temps qu'on est, on peut écouter à peu près tous les styles de musique. Okay. Mais le maître mot reste quand même la mélodie. Oui, effectivement. Parce que c'est ça que, les, ça gens, c'est ça que les gens retiennent, c'est ça que le. Mais c'est accrocheur, c'est cet album. Ce disque-là est très accrocheur. Il n'y a, ouais, pas une chanson qui. À mon avis, on a énormément travaillé les mélodies. Les morceaux, tous les morceaux qu'il y a là, ils ont eu. Pas 50, mais ils ont eu 10 mélodies chacun. Ouais. Mais à quel moment vous vous arrêtez sur une mélodie? Parce que c'est le consensus du groupe. C'est le consensus du groupe. Ouais. Alors, quand on se dit, putain, celle-ci, elle est bien, je vais la proposer aux autres, voir ce qu'ils vont dire. Avez-vous une formation classique ou c'est, vous êtes autodidacte? On est quasiment tous autodidactes. Mais vous connaissez, vous pouvez lire des partitions? Oui, certains un peu. Ouais. Okay. Ça, on a tous des niveaux différents à la base, ouais. Mais au final. Mais l'endroit où vous éclatez le plus, c'est sur scène, parce que c'est vraiment de la musique de scène, c'est de la musique rock'n'roll, c'est de la musique qui rentre dedans. Disons qu'on fait un album pour. Pour faire de la scène. Oui. En faites-vous beaucoup? La scène? Oui. On fait une cinquantaine de dates par an. Ah, c'est vraiment très bien. Puis pour l'intermittent, c'est quand même assez facile, là, 50 dates. C'est plus pratique, oui. Ben oui, mais pratique, c'est bien. Oui, exactement. Mais quand vous faites des scènes, est-ce que vous les refaites après? Est-ce que c'est comme un circuit qui se tisse? Et il y en a qui se rajoutent à chaque fois? Il y a des... Au début, ça devait être juste 20, après ça, 25, 30... Mais c'est jamais, j'ai vraiment vu, j'avais gagné d'avance. Hein. Ah non, il n'y a rien. Non, non, c'est pas ça que je veux dire non plus, il n'y a pas de recette. Là, quand on arrive au mois de septembre, on se dit, bon, est-ce que ça va être mieux que comment ça va être cette année? Oui, mais c'est pour ça qu'à un moment donné, vous vous alimentez avec un nouvel album pour remonter sur scène, pour refaire une tournée. Voilà, c'est ça. Et la durée d'un disque, c'est deux ans et demi, trois ans quand on a pas beaucoup de sous. Là, on a fait trois ans parce qu'on a ressorti un live entre temps. Mais là, le live, ça doit bien sonner. C'est dommage, on en a pas. Non, c'est pas grave, je vais aller chercher sur internet, faites-vous en pause. Après, c'est encore un autre, c'est une autre partie de nous. Quoi. Une autre dynamique aussi. Ouais. Mais c'est une très belle. Que tu présentes ça à quelqu'un, un tourneur, et il peut vraiment savoir qu'est-ce que ça va donner. Donc ça peut être encourageant. Oui, bien sûr. Est-ce que ces albums-là, c'est sûr que, comme vous n'avez pas de distributeur, OK. Et ça va de mieux en mieux, la vente de disques, même si ça marche. Ça marche bien, ça marche pas trop mal par rapport à la vente de disques français en général. Ouais, c'est ça. Quand tu te compares à d'autres. On a un chanteur qui est hyper actif et qui fait. On peut lui tirer notre chapeau. Parce qu'il... Il croit, lui. Mais comme il croit à fond, mais c'est lui qui fait le site internet, c'est lui qui fait les visuels, c'est lui que le prochain clip qu'on va sortir, c'est lui qui le fait. C'est pour quand le vidéoclip? Il s'est associé avec nous. Astronaute. Et c'est pour quand? C'est pour le mois de juillet. Ouais, en fait, on voulait... c'est très... Ben, c'est aujourd'hui, ouais. c'est le mois aussi. Ouais, c'est qu'on voulait sortir ça pour le 50e anniversaire du premier pas sur la Lune. Ah oui, ok. On voulait faire c'est un concert. Petit peu... C'est le morceau Astronaute. La dernière. Sortir pour les 50 ans du premier pas sur la Lune. Ah, c'est pour l'anecdote. Et puis en plus, ça va faire un genre de déclencheur. Éventuellement. Ouais. On a demandé à Thomas Pesquet de venir sur le clip, mais il n'a pas répondu. Est-ce que tout est déjà mis en image ou Il est fait. Ok, là vous êtes au mixeur. C'est prêt. Vous attendez juste la date. Voilà. Êtes-vous heureux de ce vidéo-là? Ouais, c'est sympa. Ouais. Ça représente bien le groupe, ça représente bien la musique, le côté rock. C'est pas un live, hein. C'est un clip assez imagé sur un. C'est une métaphore de la chanson. Voilà. Ouais. Puis on a fait un truc un peu plus aseptisé parce que déjà le clip d'avant sur. Ça rentre dedans. Ouais, ça rentre dedans. On a une expression extraordinaire, on dit ça frappe dans le dash. Ben, vous expliquez, parce que un dash pour plusieurs Québécois, c'est le devant d'une voiture et quand tu as un accident, tu te frappes dans le dash. Alors ça frappe dans le dash. Ça, c'est Brad Scott qui adore cette expression-là, donc je vais vous le dire. Alors c'est l'avant-dernier clip, le vidéo en question frappe dans le dash. Donc, ça rentre dedans. Ouais. Ben, oui. Et vous voulez pas non plus faire de la redite, donc refaire le même. Ouais, c'est ça. Parce que là, à un moment donné, ça devient lassant. Ouais. Oui, puis on voulait contrebalancer un peu. Rééquilibrer. Mais qu'est-ce qui vous fait prendre une chanson au lieu d'une autre? C'est-tu. À cause de. Là, c'était l'idée du clip, et puis c'est le clin d'œil avec les 50 ans du fait qu'on ait marché sur la Lune et tout. Et puis, t'as des chansons qui sont plus faciles à d'autres à mettre en image. Ça parle tout seul. On n'a pas grand-chose à. Tu t'écoutes la chanson, si t'écoutes un peu les paroles, t'as des images qui viennent et d'autres un peu moins, quoi. Et celle-ci, c'était plus facile de la mettre en image. Mais les paroles, je reviens aux paroles, parce que quand je suis sorti de mon ami ici pour vous rencontrer, je lui disais l'important et l'intérêt et ce qui est bien chez vous, c'est les paroles. C'est très bien écrit. C'est pas une écriture scandée, c'est pas une écriture approximative. C'est une écriture réfléchie, puis on sent vraiment que vous voulez dénoncer ce qui se passe dans certains cas. Ouais, sur certains trucs, il y a des trucs qui nous tiennent à cœur et on essaye de placer un petit peu ce qu'on pense. Ouais, mais... Vous êtes politique, vous êtes assez politique. Bah, on essaye quand même de rester neutre, hein, parce qu'on veut pas non plus, on n'est pas là pour afficher nos... Mais ouais, parfois il y a un petit... Il y a un petit peu de politique, dans le sens où je me mets à... C'est pas mal qu'écrire. Ouais. Je vois ça aussi. Mais veux-tu écrire à un moment donné, toi? Non, je pense pas. Ok. Je suis plutôt musique. Okay. Mais il y a un peu de politique dans le sens où nous, on vit en province quand même, tu vois. Et cette année, il y a eu plein de choses, les gilets jaunes, tout ça. Mais nous, on voit ça, c'est toujours Paris, quoi, tu vois. Oui, c'est ça, ouais. Vous êtes exclus de. Parfois, c'est un peu son sens. C'est ça, tu vois, les gilets jaunes, c'est la province qui est en colère, quoi. Oui, c'est, oui. Parce que tout se passe à Paris. Et la centralisation. Et la centralisation, ouais. Mmh. Et puis le président, aujourd'hui, t'as l'impression qu'il voit que. Que ce qui se passe dans la vie à Paris, mais il délaisse un peu les provinces. Pour mais tout, il se passe plein de choses en province, mais ça n'a rien à voir avec Paris. Non. Même si Paris c'est très bien, mais il y a... Enfin, ça a toujours été un peu le cas. Et ça a toujours été un peu le cas, mais tu vois, les gilets jaunes, c'est vraiment la colère profonde qui était enfoncée et qui s'est réveillée. Colère rurale. Ouais, rurale un peu. Oui, mais et nous, on se revendique aussi quand même pas rural, mais un peu quand même, tu vois. Les Bretons, ça a toujours été... La parent pauvre ouais, voilà. Et mais, ça a toujours été des gens qui défendent aussi leur mais vous voulez business, toujours... C'est ça, votre ambition, c'est de toujours rester dans votre coin, dans votre... J'allais dire votre quartier, dans votre région. On est quand même un groupe qui est pas mal attaché à... Si. Non, mais le noyau... On est quand même... Non, mais vous voulez que le noyau reste là. Ah oui, oui. Ouais, en région. Vous voulez pas arriver à Paris comme tout le monde. On est attaché à notre région, mais on n'est pas. Après, on n'est pas. Sectaire. On n'est pas. On n'est pas en train de promouvoir. Non. Non, mais vous tenez à rester. Mais on a un regard. Plus détaché. Par exemple, sur l'actualité, on a un regard. Enfin, je pense quand vous écrivez de ce qu'on vit nous dans notre petit patelin, dans notre petite région là-bas, quoi. Ouais. Serait-ce un peuple que l'on délaisse? Serait-ce un peuple que l'on délaisse? Serait-ce un peuple que l'on délaisse? Serait-ce un peuple que l'on délaisse? We'll be right back.